dont la gestion se déroulait jusque-là dans le plus grand secret. Mais ce soir-là, le 22 octobre, un discours télévisé. Le président des États-Unis annonce, dévoile à la nation américaine et au monde la présence de rampes de lancement de missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Le président, c'était évidemment John F. Kennedy. Les photos aériennes de la CIA permettent de compter une quarantaine de missiles de moyenne et longue portée capables d'atteindre les États-Unis. Alors, pendant ce discours, il annonce une réponse sans équivoque à la menace soviétique et un blocus naval de Cuba, ce qui interdit à tout navire de franchir un périmètre établi par la marine américaine. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Alors, ce que le président vient de dire, c'est que ce sera la politique de cette nation de considérer des missiles lancés de Cuba dans l'hémisphère occidental comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, ce qui entraînerait une riposte complète et immédiate contre l'URSS. Alors que le président Kennedy termine sa déclaration lundi soir, toute l'aviation américaine est déjà en état d'alerte. Une partie importante de ces formations est redéployée dans le sud-est des États-Unis. L'animation est grande sur les aérodromes. Simultanément, branle-bas de combat chez les Marines, les fusiliers marins américains. Par avion, les unités de commando, les sections de parachutistes, sont acheminées vers leur point de concentration. Il s'agit de plus de 6000 soldats parfaitement entraînés et qui recevront l'appui et le soutien d'autres unités, en tout 20 000 hommes au moins. Dans la base américaine de Guantanamo, située à l'extrémité est de Cuba, toutes les dispositions ont été prises, aussi bien pour résister à une attaque des forces castristes que pour appuyer un éventuel débarquement. Un silence tendu règne derrière les clôtures de l'enclave américaine. Il faut sans doute remonter au bombardement de Pearl Harbor pour trouver la nation américaine, aussi unie qu'elle l'est aujourd'hui, derrière son président. Selon un sondage de l'Institut Gallup, seulement 4% des personnes interrogées ont désapprouvé le blocus militaire de Cuba. L'ancien président Eisenhower, M. Richard Nixon, les leaders parlementaires, tant républicains que démocrates, ont tous donné leur soutien total au président Kennedy, certains remarquant seulement que sa proclamation avait été tardive. Vous avez entendu les voix des journalistes Pierre Nadeau à Montréal et Jean Grandlandeau à Washington. C'était à l'émission Caméra 62. La nation américaine est donc unie derrière son président. C'était résolument une autre époque. Jamais depuis 1945 n'avait-on été aussi près d'une guerre nucléaire. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à la crise des missiles de Cuba? L'historien André Champagne, à l'émission Au fil du temps, animée par Pierre Lambert, pour le 30e anniversaire de la crise, remettait ça dans le contexte de l'époque. La tension est vive. Rappelons que Nikita Khrouchtchev a assuré son pouvoir depuis 1958 et que depuis ce moment-là, il ne cesse de brandir la menace nucléaire, la menace atomique. En 1960, John Kennedy est élu président des États-Unis. Il est jeune et au Kremlin, on croit qu'on pourra facilement intimider le jeune président. Il y a une rencontre Kennedy-Khrouchtchev à Vienne en juin 1961. Pendant plus d'une heure, le premier soviétique Nikita Khrouchtchev ne cesse de brandir encore une fois la menace nucléaire. Et il sort de cette rencontre-là convaincu que Kennedy est jeune, qu'on peut facilement l'intimider, qu'il est indécis et que, somme toute, les Américains sont dans une position de faiblesse vis-à-vis Moscou. En août 1961, les Soviétiques ont fait construire le mur à Berlin pour tester la volonté américaine. Aussitôt, Kennedy a envoyé une division à Berlin. On a traversé une partie de l'Allemagne au grand malheur des Soviétiques. Les Soviétiques n'ont pas osé réagir. Mais disons que à l'automne de 1962, la tension est vive et de part et d'autre, à Moscou et à Washington, on s'épie et on regarde évoluer la situation avec une certaine inquiétude. Pour Moscou, le régime cubain, c'est une espèce de plateforme à partir de laquelle on pourrait s'étendre dans l'hémisphère latino-américain, ce qui inquiète fortement Washington. Pourquoi Nikita Khrouchtchev décide-t-il de déployer des missiles nucléaires à Cuba à l'été de 1962? C'est qu'à La Havane, on craint une invasion américaine. La menace est sérieuse. Kennedy a promis qu'il rétablirait un régime démocratique à Cuba. Et à l'été 1962, il y a des manœuvres américaines qui se déroulent dans les Caraïbes. À ce moment-là, Fidel Castro envoie son frère Raoul à Moscou demander à Nikita Khrouchtchev une aide militaire. Khrouchtchev s'empresse de répondre favorablement à la demande. On envoie déjà des conseillers militaires, on envoie du matériel. Et l'engagement soviétique est tellement sérieux qu'à l'automne 1962, on comptera pas moins de 42 000 conseillers militaires soviétiques dans l'île de Cuba et on enverra également des bombardiers Ilyushin 28, de même que des tanks et des canons anti-aériens. Donc, l'engagement militaire soviétique à Cuba est à prendre au sérieux à Washington. À partir de là, trois options sont évaluées par le président Kennedy et son équipe. Envahir immédiatement l'île de Cuba, mais une superpuissance qui s'attaque à un petit pays, c'est pas génial pour l'image des États-Unis dans le monde. Deuxième option, bombarder les bases de lancement de missiles, mais pour Robert Kennedy, secrétaire à la justice, là aussi, les États-Unis seraient perçus comme l'agresseur. Et en plus, si des conseillers soviétiques perdaient la vie sur le terrain, ça pourrait être interprété comme un acte de guerre et entraîner les deux superpuissance dans un conflit ouvert avec tout ce que ça comporte comme risque de riposte nucléaire. On va donc retenir la troisième option, celle du blocus naval. La quarantaine commence le lendemain du discours à la nation. C'est donc le 23 octobre 1962 à 10 heures du matin. Dans les jours qui suivent, la tension est extrême. Donc, du 22 jusqu'au 26 octobre, on voit une dizaine de navires soviétiques approchés du périmètre américain. Disons qu'il y a 183 navires de guerre américains déployés autour des îles. Il y a des centaines de milliers de soldats américains qui sont massés en Floride. On masse également dans les aéroports de Floride des bombardiers américains. La tension est extrême. Et le 25, il y a des navires soviétiques qui approchent du périmètre. La tension est extrême pendant à peu près 1 heure, 1h30. Et à ce moment-là, les navires soviétiques arrêtent et décident de rebrousser chemin. La tension baisse d'un cran, mais disons que pendant 3 jours, pendant 3 à 4 jours, à Moscou et à Washington, vraiment, on retenait son souffle. Et finalement, l'humanité entière va pousser un soupir de soulagement parce que la menace était bien réelle. Écoutez bien ce bout de conversation à l'émission En direct en janvier 94 entre Christiane Charette et Pierre Salinger, qui était le secrétaire de presse de John F. Kennedy à l'époque de la crise. On n'aurait pas eu la solution de la crise de Cuba si on n'avait pas eu un dialogue. Et ça, c'est exactement ce que ça fait, cette crise qui a duré 11 jours, mais qui aurait pu arriver à un résultat d'une guerre nucléaire qui aurait fait beaucoup de mal au monde. Alors, le climat d'angoisse dans lequel on vivait, moi, j'étais enfant à cette époque-là, on avait une peur épouvantable. Le climat d'angoisse dans lequel on vivait était justifié. Absolument. En 89... dans le nouveau gouvernement soviétique à cette époque, de Gorbatchev, il y a eu une conférence à Moscou avec 10 Américains, 10 Soviétiques et 10 Cubains, tous qui avaient participé dans cette crise. Et autour de la table, on a appris tellement de choses qu'on ne savait même pas à l'époque de cette crise. Mais j'ai sorti de cette conférence encore plus convaincu que j'étais à l'époque que si on n'avait pas réussi à arriver à une solution, on aurait eu une guerre nucléaire. Heureusement, malgré les divergences, les canaux de communication étaient restés ouverts et l'humanité l'a échappé belle. La crise des missiles de Cuba aura duré 13 jours du 16 au 28 octobre 62. Et malgré la tension extrême, les risques élevés d'escalade nucléaire, la sortie de crise aura été somme toute plus facile que prévu, en tout cas selon le professeur soviétologue Jacques Lévesque, interrogé à l'émission Aujourd'hui dimanche en octobre 92. Moi, j'ai été surpris par le dénouement, finalement, beaucoup plus facile que prévu de la crise. Parce que il faut se rappeler qu'à l'époque, l'Union soviétique tenait un discours très dur. Khrushchev avait une propension à brandir la bombe atomique. À plusieurs reprises, il avait menacé les États-Unis d'utiliser la bombe atomique pour la défense de Cuba. Donc, à cause de ce discours très dur, dont qui nous intoxiquait d'une certaine façon... Je n'aurais jamais cru que l'Union soviétique se dégonflerait aussi facilement dans une confrontation, finalement, où elle a perdu la face lamentablement. On n'aurait pas cru qu'elle pourrait se résoudre aussi facilement, si vous voulez, à perdre la presque totalité de sa mise dans une crise comme celle-ci. Dans l'autre actualité, celle de la petite histoire maintenant, nous allons changer radicalement de registre. En octobre 1962, le joueur de hockey Bernard Boum Boum Geoffrion est monté en tête des palmarès avec la chanson « C'est pas sérieux », un succès en France pour Dick Rivers et ses Chats sauvages. Et puis, puisqu'ici, on regarde pas la dépense, on va écouter un peu des deux versions, en commençant par celle de Boum Boum. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi si timide, je me sens solide. Depuis que tu m'aimes, comment le cacher? Sans tricher, ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit. Avec ses yeux trop curieux tout autour, alors viens donc chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Disons qu'en les écoutant comme ça, un à la suite de l'autre, ça avantage un petit peu Dick Rivers. Oui, mais on... on a envie d'écouter un petit peu plus de Chat sauvage que de Boom Boom. Je sais un pas. Un petit peu plus. Mais c'est R, c'est R. Ça aussi, ça, ça campe l'époque. Hein, c'est ce roulement. Mais les gens aimaient ça, c'est monter en tête des palmarès. Alors, on retourne cette fois-ci à la politique. Le 19 septembre 1962, le premier ministre libéral provincial Jean Lesage annonce la tenue d'élections anticipées. Elles auront lieu le 14 novembre. Donc, pendant que les États-Unis et l'Union soviétique se font face sur la question des missiles à Cuba en octobre, le Québec est en pleine campagne électorale. Le premier ministre Lesage affronte le chef de l'Union nationale, Daniel Johnson. Deux chefs de parti, deux hommes, deux conceptions qui s'affrontent. Une assemblée législative où, dans le choc des idées avec l'opposition, la majorité élue mettra en œuvre sa politique. Au cœur de cette campagne, bien sûr, la nationalisation de l'électricité. Hydro-Québec, qui n'a à cette époque-là qu'une présence minoritaire dans le secteur depuis sa fondation en 1944, prendrait le contrôle de l'ensemble des entreprises d'électricité, sauf quelques-unes. Le projet est défendu par René Lévesque, alors ministre des Richesses naturelles. En un mot, ce qu'il est en réalité, puisqu'il doit être, c'est d'entreprendre, après des générations d'attentes et de déceptions, la réalisation du grand espoir de promotion sociale et économique des nôtres. Maintenant, pour revenir en terminant à la nationalisation de l'électricité, je veux simplement répéter un passage de la déclaration prononcée par le Premier ministre et endossée par le Parti libéral comme le thème principal de l'élection du 14 novembre. Et ce passage, il dit que le gouvernement ne se lancera pas dans une politique générale de nationalisation et que son seul souci, c'est de donner, mais de donner vraiment, à l'Hydro-Québec une taille à la mesure des espoirs et des besoins de la population. Et on me permettra d'ajouter une opinion personnelle. Pour le Québec, une politique générale de nationalisation manquerait à la fois de sens pratique et de gros bon sens tout court. Il y a seulement les fanatiques ou les amateurs qui sont encore capables, en 1962, de concevoir une société à 100% capitaliste ou à 100% étatiste. Les deux attitudes en face des réalités économiques d'aujourd'hui sont également démodées. Voilà, on peut dire que René Lévesque ne s'est jamais privé de ses opinions personnelles. Pour Jean Lesage, le projet de la nationalisation s'inscrit dans une stratégie économique plus large. D'abord, pourquoi nationaliser? Il y avait de multiples raisons. Mais une des plus profondes, c'est l'expansion économique du Québec. L'expansion industrielle. Depuis deux ans que nous sommes au pouvoir, nous nous sommes attaqués non seulement aux effets de notre faiblesse économique par la sécurité sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi aux causes par l'expansion de notre système routier, des communications, en donnant la base, l'éducation à notre population, à nos jeunes, mais aussi par la Société Générale de Financement, par les études que nous faisons, pour la création d'un complexe sidérurgique. Mais partout, toujours, lorsqu'il s'agissait d'amener dans le Québec des industries, toujours revenait comme condition principale de l'établissement de l'industrie, le tarif de l'électricité. Les élections provinciales ont eu lieu le 14 novembre 1962. Reportons-nous à un moment crucial de cette soirée. Voici maintenant à 8h04 l'extrapolation de la machine IBM, c'est-à-dire les résultats probables. D'après les votes déjà enregistrés et si la tendance actuelle se maintient, la répartition finale des sièges sera libéraux 61, Union nationale 33, Indépendant 1. Ben écoutez, l'extrapolation de la machine IBM n'était pas trop, trop loin de la réalité du résultat final. Jean Lesage et les libéraux ont finalement remporté les élections du 14 novembre 62 en prenant 63 sièges avec un peu plus de 56% des voix. L'Union nationale a terminé la soirée avec 31 candidats élus et 42% des voix. Et il y a eu un candidat indépendant qui a été élu dans Montréal-Sainte-Anne. Mesdames, Messieurs, le premier ministre de la province de Québec, l'honorable Jean Lesage. Bonsoir à vous tous, électrices et électeurs du Québec. Le parti que je dirige a remporté ce soir une victoire éclatante. Il semble bien qu'il y aura 65 à 70 comtés qui seront représentés par des députés libéraux à l'Assemblée législative. C'est un verdict non équivoque que vous avez rendu et, évidemment, je me dois, et d'ailleurs, je me plais à vous remercier du fond du cœur pour la confiance que vous nous avez accordée. Vous pouvez être assurés que nous allons nous en rendre dignes. Monsieur Lesage allait être premier ministre jusqu'en 1966, puis chef de l'opposition suite à l'élection de Daniel Johnson-Père et de l'Union nationale. De son côté, René Lévesque, réélu dans la circonscription de Montréal-Laurier, allait piloter la nationalisation de l'électricité et l'expansion d'Hydro-Québec en tant que ministre des Richesses naturelles. Écoutez la petite histoire d'une grande journée avec Stéphane Garneau sur Ici Radio-Canada Première. L'événement capital et historique de 1962 est le Concile œcuménique Vatican II qui s'est ouvert le 11 octobre. Plus de 2000 pères conciliaires, venus de tous les coins du monde libre et même de derrière le rideau de fer, se rassemblent à Rome à l'appel du souverain pontife. Jean XXIII inaugure les augustes assises par le chant du Veni Creator et des versets. Mais qu'est-ce donc un concile? Selon l'épiscopat canadien, un concile, c'est une assemblée de tous les évêques de l'Église catholique qui, en union avec le chef du corps épiscopal et sous son autorité, traite de questions de foi, de morale, de discipline, de gouvernement, d'organismes ecclésiastiques et éventuellement définit des dogmes, fixe des lois, trace des directives pour la vie chrétienne et pour l'apostolat. Comment s'organise un concile? D'abord, on crée une commission antépréparatoire qui s'occupe de la préparation intellectuelle et matérielle de l'Assemblée des évêques. Ensuite, le pape crée une commission centrale. Durant la phase préparatoire du présent concile, le Saint-Père a également créé 11 commissions et 3 secrétariats. Ces commissions, qui avait pour tâche de préparer des schémas d'études, réunissait 827 spécialistes, dont 25 Canadiens. La voix du père Ambroise Lafortune, journaliste, grand voyageur, prêtre, très présente dans les émissions religieuses des années 50 et 60. C'est celui que j'aurais aimé avoir comme professeur de catéchisme. C'était un excellent communicateur. Le Concile Vatican II, dans les grandes lignes, visait à transformer l'image de l'Église, rapprocher les différentes branches du christianisme, moderniser les pratiques et favoriser un message d'ouverture et de tolérance. Ouvert le 11 octobre 62, à quelques jours du début de la crise des missiles cubains, sous le pontificat de Jean XXIII, qui ne s'est pas rendu jusqu'au bout. Il est décédé en cours de route le 3 juin 63. Le concile s'est terminé donc 3 ans plus tard, début décembre 65, sous le pontificat de Paul VI. Au cours de la première semaine d'octobre 62, le 8 octobre plus précisément, l'Algérie vit une grande journée aux Nations Unies à New York. Après 132 ans de présence coloniale française, 7 années de guerre douloureuse pour y mettre fin et 4 mois depuis la proclamation d'indépendance, imaginez l'émotion, le président de la Nouvelle République algérienne démocratique et populaire, Ahmed Ben Bella, s'adressait à l'Assemblée générale de l'ONU. Au nom du peuple algérien et de son gouvernement, il m'est agréable d'exprimer à votre assemblée nos vifs remerciements pour le vote unanime qui vient de consacrer notre admission dans la grande famille des Nations Unies. Notre joie et notre satisfaction sont aujourd'hui d'autant plus intenses que nous vous avons attendu ce moment unique de notre histoire pendant 7 années de guerre et de sacrifice. Veuillez donc me permettre, Monsieur le Président, de déclarer que notre première pensée va aujourd'hui aux martyrs qui ont offert leur vie pour que l'Algérie rejoigne le concert des nations indépendantes. Un moment très fort dans l'histoire de l'Algérie et une autre pierre dans l'édifice de la décolonisation en Afrique. Khaled, source de fierté pour les Algériens. Voir Khaled en spectacle avec la communauté nord-africaine de Montréal, c'était quelque chose. Voilà. On va changer de registre musical maintenant, Nicolas Titley. Un tout petit peu. Là, on retourne à octobre 1962, parce que je vous ai demandé de vous intéresser au son de 1962. Qu'est-ce qu'on écoutait? Qu'est-ce qui était en tête des palmarès? Donc, au Québec, bien sûr, mais aussi aux États-Unis et en France. Alors, vous commencez par quoi? On va commencer par les États-Unis parce que c'est pas d'hier, en fait, qu'ils donnent le ton à la culture populaire mondiale. En fait, ils vont générer beaucoup, beaucoup d'imitateurs, d'ailleurs. On va y revenir, tout ouais. ça. Il y a tout ce qui se fait aux États-Unis est repris, copié et refait, parfois à l'identique, par différentes cultures ouais. à travers le monde. Mais on produit aussi également énormément de musique aux États-Unis. Et on est au mois d'octobre, pendant la crise des missiles, et c'est le mois d'Halloween, ce qui explique peut-être l'immense succès qui a été remporté par une chanson, on appelle ça un novelty song, ouais. une pièce un peu blague, légère, qui normalement n'est pas destinée à durer. Et pourtant, cette chanson-là va traverser le temps, elle rejoue à tous les Halloween. Je parle de The Monster Mash, qui est une création de Bobby Pickett, mais qui, à l'occasion de la sortie du 45 tours, s'était rebaptisé Bobby Boris Pickett, en référence à Boris Karloff, la star des films d'horreur, qui a joué notamment Frankenstein. Et puis, c'est une pièce qui s'inspire beaucoup des pièces de danse à la mode. On a vu The Mashed Potato, entre ouais. autres, et le twist, enfin, toutes ces danses-là. Et inspiré donc par le Mashed Potato, on a eu le Monster Mash. C'est une chanson qui est parlée plus que chantée. Ouais. On évoque les films d'horreur. Et puis, on a de tout là-dedans. Des zombies, des vampires, des Mommy. Et c'est un classique, je l'ai dit, qui rejoue à tous les Halloween depuis. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise. And suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster. The Monster Mash, donc, de Bobby Boris Pickett. Puis on pourrait dire, d'ailleurs, que Michael Jackson, avec Thriller, a fait un clin d'œil à l'idée qui ouvre la chanson avec Vincent Price, qui est une autre star de l'horreur. En quelque sorte. Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, Bobby Pickett, il s'est clairement inspiré de Boris Karloff. Il voulait tenter d'imiter, en fait, sa manière très particulière, ouais. en fait, de parler. Oui, le Frankenstein classique, tout ça, un peu gothique, oui. un peu avec une voix d'outre-tombe qui résonne dans le château. tout. Maintenant, alors, un autre truc complètement, une pièce indémodable. Absolument, absolument. Et ça, c'est une vraie pièce indémodable. On parle de Green Onions du groupe Booker T and the MGs. Qui sont-ils? Booker T. Jones était organiste, claviériste, en fait, de formation, mais il surtout jouait de l'orgue du Hammond B3. C'est l'instrument qui domine dans la chanson qu'on va entendre. Et le groupe, les MGs, MGs, ça signifie Memphis Group. Oh. Parce que ce sont des musiciens qui travaillent presque tous pour le studio Stax, qui est à l'époque l'une des étiquettes de disques les plus importantes, qui a défini le son du R&B, du soul. Ils ont joué donc avec des gens comme Otis Redding, avec Sam and Dave. Et à l'occasion, ils font des enregistrements de leur côté, dont cette pièce-là, qui est une pièce instrumentale. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a donné la naissance à toutes sortes d'interprétations. On se dit, mais bon, pourquoi ça s'appelle Green Onions? Ouais. Et il paraît qu'à l'origine, ça s'appelait Funky Onions. Et c'était simplement un nom qui était sorti comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit, funky, ça sonne pas très bien. Appelons ça Green Onions, donc oignons verts, échalotes. Allez savoir. Il y a peu importe, maintenant la chanson est passée dans l'histoire. C'est ça. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez sur cette chanson-là. Vous pouvez lui donner le sens que vous voulez. Il reste que c'est un classique absolument indémodable. De Booker T and the MGs. Ah oui, qui est un groupe qui a connu plusieurs membres qui se sont succédés autour de Booker T. Jones, mais qui a eu la particularité d'être l'un des premiers groupes pop américains à être intégré. Il y avait autant des membres qui étaient noirs que blancs. Ça, c'était très, très rare à l'époque. Ouais. Et puis, ce qui est assez rare dans l'histoire de la musique populaire aussi, c'est que des pièces instrumentales grimpent au palmarès et restent là longtemps. Absolument. Et au début des années 60, en fait, il y a une conjoncture assez favorable à ça pour la musique instrumentale, le rock instrumental. Il y a, entre autres, le son, le surf rock qui a fait son apparition au début des années 60, notamment avec Dick Dale. Et Dick Dale, avec sa célèbre chanson Misère Lou, il est connu pour avoir donné le ton, vraiment. Il a des origines moyen-orientales et il a intégré des éléments de cette musique-là en fait dans le son de la musique surf instrumentale, dans le son de guitare. La musique surf se réfère au phrasé de la guitare, hein, la façon de jouer la guitare. Et surtout, c'est une musique qui est née en Californie aussi, dans la communauté en fait des surfeurs, un peu cette espèce de sous-culture jeune. Mm-hmm. Et c'était une musique qui était très populaire. Plus tard, on aura les Beach Boys qui offriront un pendant vocal à cette musique instrumentale, mais ça va faire des petits un peu partout dans le monde. Et on a un groupe au Québec qui s'appelle les Mégatonnes. Et la chanson qu'on va entendre s'appelle Megatwist. En fait, à l'origine, ils avaient un autre nom, ils s'appelaient les Thunderbirds. Mais il y a un homme qui s'appelle Jacques Boulanger, qui les voit, à un moment donné, qui les entend. Il dit, vous avez une énergie absolument atomique, incroyable. Hein, c'était l'époque de la guerre froide. On pensait beaucoup aux missiles. Alors, il leur suggère de se rebaptiser comme ça, Mégatonnes, pour le mégaton, le son, mais aussi pour le côté explosif. Alors, on va entendre un extrait de leur chanson Megatwist. Voilà, donc ça, c'était Megatwist des Megatones. Écoutez, il y a eu Dick Rivers et les Chats Sauvages, mais on en a parlé, on les a entendus tantôt. Alors, allons maintenant avec un chanteur bien de chez nous et une pièce, je vais le dire, également indémodable. Absolument, le grand classique de Fernand Gignac. On va entendre « Donnez-moi des roses ». Et pour vous donner une idée, en fait, du paysage en 1962, en fait, ça a commencé. Qui sont les gens qui arrivent au numéro 1? En 62, on a Réal Giguère avec Gros Jambon, donc la chanson humoristique à la cote. Mais on a également des gens comme Paolo Noël, comme Michel Richard, comme Michel Louvain et comme Fernand Gignac. Là, on est encore là, en 1962, on est avant la grande explosion des groupes yéyés qui vont reprendre des succès de groupes américains et britanniques. Alors voici donc Fernand Gignac, chanteur de charme par excellence. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. donnez-moi des roses, elle les aime tant. Alors, on va jeter un coup d'œil sur ce qu'on écoutait, ce qui était populaire en France. En France, ben, un peu comme au Québec et partout ailleurs, en fait, on adapte des grands succès anglo-saxons. Et pendant presque tout le mois d'octobre, il y a la version originale de la chanson The Locomotion par Little Eva qui va être sur les palmarès, en même temps que celle adaptée en français par Sylvie Vartan. Voilà, Sylvie Vartan. Elle a eu son oui. époque, son moment de gloire. Vous pouvez choisir votre version préférée, mais il reste que c'est des chansons, comme je disais, avec le Monster Mash, c'est des chansons de danse où on explique la danse dans la chanson, finalement. Ouais. Une légende aussi en 1962, en octobre, qui a du succès au palmarès. Ah oui, ben il y a quand même des gens, des auteurs, compositeurs un petit peu plus sérieux qui vont passer à l'histoire hein, dans le grand canon de la chanson francophone. Je parle de Charles Aznavour qui, en octobre 1962, va connaître du succès avec une chanson qui va se hisser au haut des palmarès en France, mais au Québec également. Des années plus tard, ça va inspirer le titre d'une émission animée par René Aumirois. Voici donc Aznavour avec « Viens voir les comédiens ». Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte. Oui, bien ça aussi, c'est la troisième fois que j'utilise le mot indémodable. Mais je pense même que cette chanson-là apparaît sur un album qui s'appelle Les Indémodables, la chanson française. En tout cas, qui a sa place, très certainement. Nicolas Tisley, je fais une obsession, moi, pour Françoise Hardy. Et quand j'ai vu qu'au mois d'octobre 1962, elle émergeait, elle chantait à la télévision française et tout de suite, elle atteignait le sommet d'une certaine popularité. Vous, Françoise Hardy, que représente-t-elle pour vous? Faites très attention à ce que vous dites. Ben non, je pense que vous allez être content. Je partage votre amour de Françoise Hardy que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer une seule fois dans ma vie. Ça a été une grande rencontre. Quelle femme sympathique. Je lui pardonne même son amour de l'astrologie, c'est dire. Mais au début donc, des années 60, lorsqu'elle arrive en 1962, c'est elle qui va empêcher en fait Charles Aznavour de se rendre au numéro 1 du palmarès français avec les comédiens qu'on vient d'entendre, grâce à son premier grand succès. C'est une chanson qu'elle a écrite elle-même, et ça, c'est quelque chose de plutôt rare, parce qu'à l'époque, on a des chanteuses, des France Gall et tout ça, à qui on donne des chansons. Il y a plein de grands auteurs qui viennent travailler pour elle, et elle, écrit des chansons, elle va chanter des textes des autres et des musiques des autres également, mais c'est une musicienne. C'est un personnage assez particulier, parce que les médias sont fascinés par elle, mais elle, en retour, ne les aime pas beaucoup. Elle est plutôt discrète. Très timide. J'ai cherché des extraits. Puis elle ne donne jamais de concert. Elle refuse de monter sur scène et ça va avoir un impact sur sa carrière, mais elle va néanmoins devenir une figure légendaire de la pop française. Et d'ailleurs, un peu partout dans le monde anglophone, on connaît très peu de chanteuses françaises, mais Françoise Hardy est du nombre. On lui voue un culte. Ah, absolument. Et avec raison, il y a quelque chose de très charmant, de très nostalgique, de très doux, apaisant, mais en même temps de triste, de certaine profondeur dans tout ce qu'elle fait. Et un formidable sens de la mélodie. Absolument. Merci beaucoup, Nicolas Tisley. C'est un plaisir. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Seul par les rues, l'âme en peine, où je vais seul, car personne ne m'aime. Mais... Voilà, la sublime Françoise Hardy. Le non moins sublime maire de Montréal, Jean Drapeau, c'est la meilleure transition que j'ai trouvée, était partout en octobre 1962. D'abord, le 9, il quittait pour Paris dans le but de poser officiellement la candidature de Montréal devant le Bureau international des expositions pour recevoir l'Expo universelle de 1967. Et c'est tout à fait M. Drapeau, avant même de mettre un pied dans l'avion, il était déjà très confiant. Monsieur le maire, vous vous envolez ce soir même pour Paris. Est-ce que, dès votre retour, vous escomptez nous annoncer officiellement que Montréal sera le site de l'exposition universelle? Je pense bien que lorsque je reviendrai vendredi, l'annonce aura été faite déjà depuis 3 jours, parce que l'Assemblée du Bureau international a lieu mardi, et ce n'est pas une nouvelle qui pourrait être gardée secrète longtemps. Dès que le Bureau international aura ratifié la demande et permis l'enregistrement de l'exposition 67 à Montréal, ça ne sera pas long que vos propres agences de nouvelles auront percé le secret et immédiatement communiqué la bonne nouvelle aux Montréalais, mais je serai heureux de revenir confirmer, si vous voulez, que nous aurons fait alors un heureux voyage. Voilà, l'homme des grands projets. Monsieur Drapeau avait raison d'être confiant. Quelques jours plus tard, le Bureau international des expositions rendait sa décision. On va écouter l'amorce du reportage du journaliste Dostaler O'Leary à Paris. Une importante délégation canadienne a assisté cet après-midi à Paris à l'annonce faite par M. Léon Baratti, président du Bureau international des expositions, proclamant Montréal comme site de l'exposition universelle de 1967. Parmi la représentation canadienne, signalons particulièrement M. Pierre Sévigny, ministre adjoint de la Défense, M. Charles Lucier, délégué général de la province de Québec, et M. Jean Drapeau, maire de Montréal. La cérémonie s'est déroulée au centre des conférences internationales avenue Hébert à Paris, où nous nous transportons immédiatement. Et que signifie exactement cette désignation de Montréal comme site de l'exposition universelle? Eh bien, M. O'Leary, ça veut dire que Montréal est maintenant reconnu par tous les pays membres du bureau. Ils sont 30 et ce sont les plus importants du monde. Ça veut dire que Montréal est reconnu comme une ville capable d'être l'hôte de toutes les nations du monde en 1967. Et pour Montréal, c'est une reconnaissance au point de prestige et qui est tout à l'honneur de Montréal. Y aura-t-il un thème choisi? Le thème choisi est exprimé en français par les mots « Terre des hommes ». Il faut d'abord dire que le thème doit être un thème universel. Voilà, un projet international sur les rails et on n'est pas encore à mi-chemin du mois d'octobre 62. Monsieur Drapeau, accessoirement, est en campagne électorale. Les élections auront lieu à la fin du mois, le 28 octobre, et il doit réagir aux critiques de son adversaire Sarteau Fournier concernant les dépassements de coûts d'un autre grand projet, celui de la construction du métro de Montréal. Nous désirons informer la population de la ville de Montréal aujourd'hui que l'affaire de la construction du métro dans notre ville est devenue une véritable tragédie. Et nous accusons formellement, nous sommes en position de le faire, nous accusons formellement les deux chefs de l'administration actuelle, M. Drapeau et M. Saunier, d'avoir fait des choses qui sont répréhensibles et d'avoir pris des initiatives qui menacent de tourner au désastre. L'histoire ne donnera pas raison à M. Fournier, pas à court terme en tout cas. Les coûts de construction des tunnels ont au contraire été moins élevés que prévu, si bien qu'on a ajouté 2 stations au projet initial. Mais on était en campagne électorale et l'ex-maire Fournier était combatif. Des élections remportées facilement par le maire Drapeau et son parti civique avec 88 % des voix contre 9 % pour le Parti des citoyens de Sarteau Fournier. Pour quelques détails supplémentaires sur la victoire de M. Drapeau aux élections du 28 octobre 62, on va écouter un extrait de cet étrange magazine d'information qui était « Ce soir ou jamais ». Écoutez bien, c'est une émission d'une heure qui faisait le tour des nouvelles locales, régionales et internationales avec des sports, de la météo, là, jusqu'à là, rien d'exceptionnel, mais qui avait cette particularité d'avoir 2 présentatrices de variété qui faisaient des liens entre les segments d'information. C'était Dominique Michel et Monique Lérac. Et maintenant, voici les nouvelles locales et régionales. Au fait, êtes-vous au courant? Non. Que Jean Drapeau a quasiment gagné ses élections. Ah oui? À 40 %? Et voici, dis-je, les nouvelles locales et régionales. Bonsoir. Monsieur Jean Drapeau a remporté hier une victoire sans précédent dans les annales de Montréal. Les électeurs de la métropole l'ont reporté à la mairie avec 110 000 votes de plus que ses trois adversaires réunis, messieurs Sarto Fournier et Paul Lambert, ainsi que mademoiselle Louise Parent. Le Parti civique de M. Drapeau a réussi à faire élire 41 de ses 45 candidats. Les quatre autres conseillers élus sont des indépendants, le Parti des citoyens et la Ligue d'action civique ayant été complètement défaits. M. Drapeau a été reçu triomphalement à l'hôtel de ville, accompagné de sa femme et de M. Lucien Saunier. Voici un extrait du discours du maire de Montréal. Je veux m'empresser d'abord de signaler qu'il ne s'agit pas d'une victoire personnelle. Tout le long de la campagne, je me suis abstenu. Nos candidats se sont abstenus de toute personnalité. Nous avons fait porter la campagne sur l'administration municipale, sur les principes en jeu et sur l'avenir de Montréal. We will again warn the people to stay away from windows if you're at home. Stay away from windows for heaven's sake. Stop your cars in an area where there are. C'était le 12 octobre 1962. Les médias du Nord-Ouest américain sont en état d'alerte. Ils invitent la population à s'éloigner des fenêtres, c'est ce qu'on vient d'entendre, à s'éloigner des fenêtres de leur maison, à rester chez eux, aux automobilistes de se stationner dans des lieux où il n'y a pas d'arbres ou de fils électriques au-dessus de leur tête. C'est le typhon Freda qui, plutôt que de s'affaiblir en se dirigeant vers la Terre, a soudainement dévié dans une zone où les tempêtes prennent forme habituellement. Il a donc gagné en intensité, s'est transformé en cyclone qui a frappé la côte du nord-ouest du Pacifique, de la Colombie-Britannique jusqu'au nord de la Californie, en passant par l'Oregon et l'État de Washington. La tempête que l'histoire a intitulée, a nommée Columbus Day, est la plus puissante tempête de vent à frapper la région au 20e siècle. Des rafales au large des côtes de l'Oregon soufflent jusqu'à 230 km/h. Les dommages ont été estimés à l'époque à 985 millions de dollars américains pour les forêts et 235 millions pour les propriétés et infrastructures. Je vous rappelle que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en 1962 et 46 personnes ont perdu la vie également donc dans cette tempête de Columbus Day. Alors après la météo, les sports. Hebdo Sport. Bonsoir, mesdames, messieurs. Eh bien, en cette deuxième émission, je pense qu'il est tout à fait normal, naturel, de parler de hockey et de hockey de la Ligue nationale au tout début, en compagnie de René Lecavalier. René, je pense que cette année, dans la Ligue nationale, une chose qu'on n'a pas vue depuis de nombreuses années, un équilibre vraiment étonnant, alors qu'il y a lutte, bataille pour le premier rang entre quatre clubs, Chicago, Toronto, Détroit et Canadiens. Comment expliquer une telle situation heureuse, évidemment? Eh bien, Jean-Maurice, je pense que c'est une ère nouvelle, en ce sens que l'époque des grandes dominations a nettement pris fin. Il y aura toujours des premiers et des derniers. Mais avec les nouveaux règlements qui existent depuis quelques années et qui empêchent une équipe de protéger plus qu'un certain nombre de joueurs, ajouté à ce nouveau règlement qui vient d'être accepté, voté par les Magnats il y a quelques jours à peine, en ce qui concerne les joueurs qui atteignent leur 17e année, et qui permettra en quelque sorte un meilleur partage des éléments nouveaux, eh bien, on peut facilement supposer que le hockey, comme tous les autres sports majeurs, tend vers un meilleur équilibre. Alors voilà, pour les forces en présence dans la Ligue nationale de hockey au début de la saison 62-63, on va maintenant écouter un autre extrait de ce bulletin de nouvelles surréalistes qui était l'émission Ce soir ou jamais, pour avoir une idée de ce qui faisait la manchette du hockey le soir du 22 octobre 62, alors que la tension, je vous le rappelle, était à son comble entre les superpuissances. Revoici donc Dominique Michel, Monique Lérac avec Jean-Maurice Bailly. Il y a une chose qui m'intrigue beaucoup depuis longtemps, Dominique, et oui. sur laquelle vous pourriez peut-être m'éclaircir, vous, la femme d'une vedette du hockey de la Ligue nationale. Ah oui, vous voulez savoir si le hockey est arrangé? Non, ça, je sais que c'est pas arrangé, non. Ah? Je voudrais savoir, qu'est-ce qui arrive quand la carrière d'un joueur de hockey est terminée? Est-ce qu'il a un fonds de retraite? Enfin, je suppose que c'est pas comme dans les autres métiers. Ben, c'est un peu la même chose. Ils appellent ça leur fonds de pension. Ah. Plan de pension. Et c'est retiré tous les 15 jours sur leur salaire par la Ligue nationale. Et combien? Pour un joueur qui gagne un assez gros salaire, on lui retire environ 1 800 $ par année. Et pour un joueur qui gagne un salaire moindre, 900 $ par année. Camille Henry, lui. Fait beau aujourd'hui, hein? Non, bon, passons. Eh bien, un joueur de hockey qui joue moins de 10 ans dans la Ligue nationale, par exemple, eh bien, quand il s'en va ou qu'il est renvoyé dans les ligues mineures, on lui donne l'argent qu'on lui a retiré sur son salaire, plus certains dividendes. Et ceux qui jouent plus de 10 ans dans la Ligue nationale, eh bien, quand ils ont 55 ans, 60 ans, je ne sais pas, ou juste, je ne me souviens plus, eh bien, on leur donne cet argent-là ou par mensualité ou tout d'un coup, s'ils veulent partir en commerce. Je comprends bien. L'idée, c'est de jouer 10 ans. C'est ce que j'ai dit à Camille, oui. Vous en savez des choses, vous, Dominique. Ah hein? Oh, oui, mais il y a quelqu'un qui en sait beaucoup plus que moi sur le sport. Qui ça? Jean-Maurice Bailly, que voici. Je suis très déçu, mademoiselle, Pourquoi? De votre présentation, Dominique et Monique. Pourquoi? Écoutez, les deux semaines précédentes, vous avez dit de Richard Garneau et de Raymond Labrun. Il est si beau. Oui. Mais vous me dites pas ça que je suis beau. Mais vous me foutez des complexes. Jean-Maurice. Ben, quoi? Parce que vous êtes le plus grand. C'est vrai qu'on voulait pas que Lucille Dumont soit jalouse. Mais on pense. Vous me foutez des complexes, en tout cas. Je vais lire les nouvelles. Les Red Wings de Détroit demeurent encore l'équipe surprise de la Ligue nationale. L'instructeur Cedeble n'a apporté que des changements mineurs à l'alignement de l'an dernier, mais les Wings sont demeurés invincibles en 5 matchs. Voilà ce qui étonne si on considère que l'an dernier, Détroit avait fini au 5e rang. Voilà, donc un bon début de saison pour les Red Wings qui ont fini cette saison 62-63 au 4e rang. Je rappelle qu'il y avait uniquement 6 équipes dans la Ligue nationale à l'époque. 4e rang derrière les Canadiens, les Blackhawks de Chicago et les Maple Leafs de Toronto en première place. Mais il y avait uniquement 5 points d'écart entre la 4e et la 1e position. Changement de sujet maintenant, c'est en octobre 1962 qu'a été inaugurée à Montréal la place Ville Marie et l'événement a fait beaucoup de bruit. Reportage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au cours de la prochaine demi-heure, nous vous présenterons un reportage sur le plus important complexe architectural du Canada, la place Ville-Marie à Montréal. Le plus haut et le plus grand édifice de bureaux de tout le Commonwealth, une galerie marchande souterraine entièrement climatisée qui comprend 70 boutiques, 7 restaurants, 2 étages de garage d'une capacité de 1500 voitures, une plaza 3 fois plus vaste que le Rockefeller Center de New York, voilà la place Ville-Marie, le nouveau pôle magnétique de la ville de Montréal. L'architecture de l'édifice ici, est-ce que ça vous plaît? C'est fameux. Vous l'avez considéré longuement de l'extérieur? Oui? Seulement que dans dehors, c'est fameux. Ouais. Ça, il n'y a pas personne qui peut battre ça. Avez-vous une idée, vous, du coût d'un édifice semblable? Combien pensez-vous que ça peut coûter? Moi, je dirais peut-être 5, 10 millions de dollars, mais... Ma maison coûte 12 000 $ puis à peu près... 100-200 maisons comme la mienne ici. Merci, monsieur. Ce monsieur, comme bien d'autres, a sans doute raison de faire des comparaisons, mais la réalité des chiffres est trompeuse. La réalisation de ce complexe architectural construit au coût de 80 millions de dollars. Oui, c'est un plus grand nombre de maisons à 12 000 $ que celle du monsieur. Alors, on va boucler la boucle avec un sujet lié à cette grande journée de crise des missiles cubains. L'info-anxiété, en tout cas le terme, n'a pas été inventé au 21e siècle. En octobre 1962, le vocabulaire était différent, mais le résultat était le même. On va écouter un extrait de l'éditorial de Roger Champoux de La Presse à l'émission Métro Magazine le 26 octobre 1962. Lorsqu'on observe la psychose qui s'est emparée du monde depuis quelques jours, psychose de la guerre, pour l'appeler par son nom, il faut se demander si les hommes contemporains ne sont pas devenus un peu fous. Les hommes qui sont aux manettes de commande, ces hommes qui commandent aux nations et dont les responsabilités sont redoutables, se rendent-ils vraiment compte de l'horreur dans laquelle ils nous obligent tous à vivre? On peut hausser les épaules et dire que nous n'aurons pas de guerre. On peut être optimiste et croire que les choses vont s'arranger. On peut également être fataliste et se dire que la guerre, de moins en moins froide, va devenir de plus en plus chaude. On peut multiplier les phrases et les attitudes. Il reste que nous nous sentons tous pris à la gorge et au ventre par une sournoise inquiétude qui augmente. Nous sommes étreints par la peur et contre celle-ci, nous ne pouvons rien. Plus ça change, plus c'est pareil. Et c'est avec ces paroles philosophiques que l'émission prend fin. Merci d'avoir été là. C'était la petite histoire d'une grande journée du 22 octobre 1962, en plein cœur de la crise des missiles de Cuba. On collaborait à l'émission à la technique Alexandre Bélanger, aux archives de Radio-Canada Sophie-Hélène Gibson, à la réalisation Marc Coiteux, conception, recherche et animation Stéphane Garneau. Et on va se laisser avec la pièce qui était en tête du palmarès, chanson anglophone, la semaine de la crise des missiles de Cuba. C'était Nat King Cole avec Ramblin' Rose. Ramblin' Rose, Ramblin' Rose, why you ramble, no one knows why. Ramble on, ramble on. When you're rambling, days are gone. Bonjour, c'est Evelyne Charuet. Double vie, on rencontre un avocat de jour qui devient lutteur la nuit et une clinique animale avec Claudia Gilbert et Sébastien Foury. Demain 9h, Maritime 10h sur Récit Première. On est avec vous tout l'été pour vous offrir le meilleur de l'information. Chaque matin, on discute des sujets qui vous intéressent, on vous tient au courant des nouvelles d'ici. Bref, on prend le pouls de la région. Les matins d'ici, en semaine de 6h sur Récit Première et sur Radio-Canada Audio. Vous écoutez Ici Radio-Canada Première. Au 90,7 à Ottawa et Gatineau. Du cœur aux idées. Bonsoir, ici Louis de Belleval. Voici les informations. Les premiers ministres des provinces et territoires s'entendent sur des enjeux communs, mais pas sur tout. Des dissensions sur la péréquation ressortent au dernier jour du Conseil de la Fédération à Halifax. Sébastien Desrosiers, sur place. Cette rencontre annuelle du Conseil de la Fédération est l'occasion de montrer un front uni, mais quand il est question de péréquation, tous ses membres n'ont pas la même opinion, reconnaît le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston. We certainly have a position on equalization, others have their position and we'll work through it. Ce système établi depuis des décennies fait en sorte que le gouvernement fédéral transfère de l'argent des provinces les plus fortunées vers celles qui ont des revenus moins élevés, un système qui ne fonctionne plus, croit la Colombie-Britannique. We have decided to provide our full Support to Newfoundland's litigation strategy. Le premier ministre David Eby annonce qu'il se joindra au recours judiciaire que veut entreprendre son homologue de Terre-Neuve et Labrador, Andrew Fury, pour forcer Ottawa à revoir la formule. We're very grateful that Premier Eby has joined our fight. Les deux provinces paient de la péréquation depuis longtemps sans en recevoir, alors que d'autres en profitent grandement, au premier chef le Québec, qui touchera plus de la moitié des 25 milliards distribués par Ottawa cette année. Je pense qu'il faut garder la formule actuelle. François Legault plaide plutôt pour le statu quo, pour être capable d'offrir des services équivalents aux autres provinces. Mon objectif à long terme, c'est que le Québec n'en reçoive plus de péréquation en créant de la richesse. D'ici là, le consensus semble inatteignable. Il pourrait revenir aux tribunaux de trancher la question. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Halifax. Quatre vice-présidents se joignent à Geneviève Biron à la tête de la nouvelle agence Santé Québec. Julie Boucher quitte Hydro-Québec pour assumer la direction des affaires publiques et communications. Sonia Dugas, qui a déjà dirigé l'équipe des ressources financières au CHU Sainte-Justine et au CIUS du Nord de l'île de Montréal, prend les rênes des finances. L'avocat Patrick Thierry Grenier devient le chef de bureau de la présidente des affaires juridiques et de la gouvernance, tandis que l'actuel PDG du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, Vincent Lehoulier, hérite du volet talent, culture et engagement. Près de 100 mm de pluie sont tombés hier à l'aéroport Pearson de Toronto. Le centre-ville, pour sa part, en a reçu plus de 80. C'est plus que ce que la Ville-Reine reçoit normalement pendant tout le mois de juillet. Des quartiers de Montréal ont pour leur part reçu jusqu'à 100 mm de pluie en quelques heures la semaine dernière. Et puis, une inondation subite en Nouvelle-Écosse a fait un mort jeudi dernier. Face à la récurrence de tels événements, les villes canadiennes devront vraisemblablement être davantage résilientes. Éric Plouffe a préparé ce qui suit. Avec les changements climatiques, ça va continuer d'arriver de plus en plus. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en offrant son soutien aux Torontois touchés par les pluies torrentielles qui ont inondé des rues et privé des dizaines de milliers de foyers d'électricité. Mais aussi souligner qu'en tant que gouvernement fédéral, on va être là pour les années difficiles qui s'en viennent. Son ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, ajoute que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer, entre autres avec la mise en place tout récemment d'un fonds de plus de 500 millions de dollars pour que les villes s'adaptent au changement climatique, mais qu'il ne peut pas tout faire. Pensez à l'aménagement du territoire. Le gouvernement fédéral n'a pas beaucoup d'emprise sur la question de l'aménagement du territoire lorsqu'on permet à des nouveaux développements de se construire en zone inondable. Alors, il faut que les provinces et les territoires, les municipalités soient à la table également. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais il y a du progrès dans l'adaptation des infrastructures, nous dit la professeure à l'INRS et titulaire de la chaire de recherche du Canada en action climatique urbaine, Sophie Leblanc-Van Nest. Maintenant, on va vers des infrastructures qu'on appelle vertes, donc des aménagements végétalisés, des bassins de rétention qui sont en surface. Donc, il y a des exemples, le parc Éponge à Montréal, où justement, on fait des aménagements en creux. Par ailleurs, le gouvernement locaux auraient besoin d'un peu plus de 5 milliards de dollars par année pour s'adapter au changement climatique, selon une analyse réalisée en 2020 par la Fédération canadienne des municipalités et le Bureau d'assurance du Canada. Éric Plouffrado, Canada, Montréal. Le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, va livrer son discours d'acceptation comme candidat à la vice-présidence ce soir à la Convention républicaine à Milwaukee, au Wisconsin. C'est la première fois que le jeune sénateur de l'Ohio prendra publiquement la parole depuis sa sélection. En marge de la Convention, Donald Trump, lui, a précisé les mesures qu'il entend prendre sur le front économique s'il est élu. L'ancien président mise sur des taux d'intérêt plus bas et veut réduire les impôts des entreprises. Il imposerait aussi des tarifs de 60 à 100% sur les produits chinois et de 10% sur les produits de tous les autres pays. Le banquier d'affaires PDG de Galileo Global Advisors, Georges Hugeux, analyse l'approche du candidat républicain. C'est exactement la même chose que ce que il avait prôné et essayé de faire et n'a pas réussi d'ailleurs à faire lorsqu'il a été président. Mais seulement, il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est qu'on sait comment il a fonctionné la première fois. Cette année, ce n'est pas un nouveau président. Et le deuxième, c'est qu'il va se trouver avec une montagne de dettes à gérer avec des taux d'intérêt élevés. Et donc, par rapport à ça, c'est une équation économique totalement différente de celle auquel il est habitué. Donald Trump prononcera son discours d'acceptation comme candidat républicain au dernier jour de la convention demain. Et puis enfin, la série Shogun est en tête des nominations de la cérémonie des prix Emmy qui récompense la télévision américaine avec 25 nominations. C'était les informations. Elle est scénariste, autrice, actrice et féministe. Aujourd'hui, acteur de changement, Sarah Maud Beauchesne. Spécialiste des sentiments, on lui doit entre autres le livre jeunesse adapté en film Cœur de slush, le blog devenu web-série Fourchette et tout récemment Belle Fleur, une série sur l'amitié entre cinq hommes. On la décrit souvent comme une voix incontournable de sa génération. Bienvenue, Sarah Maud Beauchesne. Merci beaucoup. Bon, là, t'as entendu ça souvent, là, tu es la voix d'une génération. Comment t'as fait pour devenir la voix de ta génération? J'ai pas fait exprès, mais je pense que c'est parce que je suis authentique dans ce que j'ai envie de communiquer, puis tous mes gestes sont connectés avec le cœur. Ouais. Ça part de là, je pense. Mais t'as réussi à mettre le doigt sur les valeurs de ta génération. Est-ce que t'es capable de les nommer, les identifier? Mon Dieu, il y en a beaucoup, puis il y en a